Je circule sur une autoroute. À cause de travaux, peut-être, la circulation ne se fait que sur une voie. Les cônes et la flèche verte au-dessus du portique délimitent clairement la voie dans laquelle il est possible de circuler. La Croix-Rouge interdit de rouler dans la voie de droite. Ce panneau signifie qu'un intervalle de 200 mètres minimum doit être laissé entre les véhicules transportant des marchandises dangereuses. La vitesse de ces mêmes véhicules est limitée à 50 km/h, ceci à 100 mètres. Entre le véhicule qui me précède et le mien, il doit y avoir 2 secondes minimum d'intervalle de sécurité. Ce qui signifie que si je suis derrière un véhicule de transport de matière dangereuse, je roulerai à 50 en laissant une trentaine de mètres d'intervalle. Réponse B et D.